important pour toi. Elle m'a pas dit, Mais il faut enlever ce qui est dedans, sinon ça va te casser les dents. Oh, oui, comme ça. Cindy, depuis que tu n'as pas parlé, tu as sommé. C'est quoi là? Non, il y a dit. Ok, là. Question numéro 1, pose-moi. Ah, vous êtes ici. Tu aimerais que les choses changent. Oui. Dans quel sens? Dans le bon sens. Pourquoi tu ne veux pas de problème? Tu ne veux pas avoir de problème. Tu ne veux plus avoir de problème, n'est-ce pas? Mais tu vas voir, si tu veux qu'on puisse avoir de problème, j'ai fait pourquoi tu aies des problèmes. Tu veux quoi dans ta vie? Alors le bref. Non, je réponds quand tu veux pour ta part de mon enfant. Laisse-la, elle sait pourquoi elle réfléchit. Si je comprends, je pose la question autrement. Oui. Tu ne comprends pas. Tu dois regarder dehors. Regarde un peu en haut, qu'est-ce que tu vois? Le ciel. Le ciel. Le nuage. C'est le nuage, n'est-ce pas? Tu penses que tu l'as fait? C'est Dieu. Et qui t'a fait? Dieu et Jésus. Dieu, c'est Dieu et Jésus en fait. C'est ta chose. Le Dieu à Jésus. Tu as remarqué qu'aujourd'hui, fais sur le diplomate, n'est-ce pas? Très bien, merci. C'est très bien. Tu as dit merci au Seigneur. Donc, il s'occupe des inquiétudes des gens sur la terre. Il y a des gens qui avaient dit qu'il a beaucoup plus. Oh, il y a tellement de goût. Comment il peut que mon avis sèche? Il doit le sauver. N'est-ce pas? La question que je te pose, et on va récoucher, je vous la pose aussi, c'est quand vous vivez, vous dormez chaque jour, vous pensez qu'il vous regarde? Si la réponse est oui, quelle est votre attitude vis-à-vis du fait que vous sachiez qu'il vous voit malgré que vous ne le faites pas? Qu'il a le regard sur vous, sur ce que vous faites sur Facebook, sur ce que vous tapez. Les amis avec qui vous marchez, c'est que vous parlez quand vous êtes seul, c'est que vous regardez quand vous êtes seul. Vous pensez qu'est-ce qu'il lui voit ou ne voit pas? Il voit. Quelle est donc sa pensée vis-à-vis de vous? C'est vrai que s'il vient, s'il entre en contestation avec vous, vous approuvera-t-il avec ces choses? Non. C'est la réponse est non. La réponse, la question maintenant, c'est que devez-vous faire? Que devez-vous donc faire? Arrêtez. Et là maintenant, on touche dans le fond de l'évangile. Prends ma Bible, ouvrez vos Bibles. Ouvrez le livre de Luc. Bon, je vais te donner la grosse Bible. Comme on a dit, tu es un grand pasteur, c'est la grosse Bible que je vais te donner. Je suis grand. Oui. Un grand pasteur. Oui. C'est... Vu que verset, vu que c'est derrière, c'est derrière. De nouveau, c'est mille. Le gars à côté des gens. 1116. Vu que verset. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Vous continuez, Luc chapitre 14 en attendant. C'est quoi le patron? 1100, quelque chose. Lui combien? Route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs,

Mais sois sincère. Mais pas sincère, tu ne peux pas t'écouter.